بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Donc, ceci est un éclaircissement de certains points se rapportant au cours que nous avons eu dernièrement sur le livre du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullahu ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde. Son livre intitulé Fath al-Rahim al-Malik al-Allam. Donc le premier point que je veux soulever, c'est une erreur de traduction que j'ai pu remarquer dans la version traduite en français de ce livre, la version qui a été éditée par les éditions Ibn Badis, sous le titre « La croyance, le monothéisme, les mœurs et des règles puisées du Coran ». Et en ayant mon écrit sous les yeux, je me suis rendu compte qu'il y a eu une faute de frappe dans mon écrit. Lorsque je cite au début, donc en reprenant le début du deuxième paragraphe, je dis « Lors de la préparation de mon dernier cours sur le livre de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, j'ai écrit qu'Allah le préserve. » Mais le Cheikh est décédé depuis bien longtemps. Donc, qu'Allah lui fasse miséricorde est la formule exacte, ce que je corrigerai prochainement, Inch'Allah ta'ala. Donc, ensuite, je dis, après avoir cité que j'ai remarqué une erreur dans cette version, la version éditée par les éditions Ibn Badis, je dis, je comptais attirer l'attention sur cette faute de traduction durant le cours. Mais pris dans mon explication, j'ai omis de la mentionner. C'est pourquoi je vais la citer à présent, Inch'Allah, en espérant que ce soit profitable à tous, et notamment aux responsables de cette maison d'édition, afin qu'ils puissent faire le nécessaire pour la rectifier, bi'iznillah. À la page 45 de leur édition, dans un passage expliquant le nom d'Allah, El-Aziz, le Puissant, ils ont traduit la parole du Cheikh, dans laquelle il dit فَالْعَزِيزُ الَّذِي لَهُ جَمِيعُ مَعَانِ الْعِزَّةِ Puis il cite le verset, un verset, et ensuite il dit فَهُوَ الْعَزِيزُ لِكَمَالِ قُوَّتِهِ وَهَذِهِ عِزَّةُ الْقُوَّةِ وَيَرْجِعُ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى الْقَوِيُّ الْمَتِينُ وَعِزَّةُ الْإِمْتِنَاعِ عَنْ مُغَالَبَةِ أَحَدْ إِلَى آخِرِ مَا قَالَ الشَّيْخ. Donc, ce passage du livre du Cheikh, dans les éditions Ibn Badis, ils l'ont traduit comme suit. Le Tout-Puissant est celui à qui toutes les significations de la puissance lui appartiennent. Et ici, entre parenthèses, donc, hein, la phrase correcte aurait été de dire le Tout-Puissant est celui à qui toutes les significations de la puissance appartiennent, sans mettre le pronom personnel lui. Mais, comme je le dis dans l'écrit, ceci est sûrement une faute de frappe qui a dû leur échapper lors de la révision de la traduction « Wallahu a'lam ». Donc ils disent « Le Tout-Puissant est celui à qui toutes les significations de la puissance lui appartiennent. Il est tout-puissant en raison de la perfection de sa puissance. » Ce premier sens de tout-puissant porte sur la puissance de la force. Les attributs, le fort, l'inébranlable, et là donc j'ai à noter en note de bas de page, hein, lorsqu'ils disent les attributs, hein, le fort et l'inébranlable, je dis ce sont en réalité des noms et pas des attributs. Ce sont des noms et pas des attributs. Et par rapport à la traduction du nom d'Allah El-Matin par l'inébranlable, je dis que oui, Le nom d'Allah, El-Matin, est généralement traduit par l'inébranlable. Mais je ne trouve pas que cette traduction soit la plus adaptée, car ce nom indique, hein, le nom El-Matin, indique une force colossale avec de la solidité. Il me paraît donc plus approprié de le traduire par le robuste, Wallahu A'lam. Donc, pour revenir à leur traduction, ils disent donc, les attributs, le fort, l'inébranlable, ont aussi le même sens, mais portent sur la puissance de l'inébranlabilité, de ce fait, nul ne peut le vaincre, etc. Fin de citation. Je vais expliquer ici donc d'où est venu le problème. Dans ce chapitre du livre, en fait, le shir explique qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède toutes les significations de la puissance. Tous les sens de la puissance, Allah subhanahu wa ta'ala les possède. C'est ce que le shir nous explique dans ce chapitre. Puis le shir va nous citer trois sens et trois significations à cette puissance. La première, Izzatul Quwwa, c'est-à-dire la puissance de force. La deuxième, Izzatul Imtina, c'est-à-dire la puissance d'inaccessibilité. C'est ainsi que je le traduis. Et je vais expliquer un peu plus bas que je ne vois pas conforme le fait de l'avoir traduit par la puissance de l'inébranlabilité. Donc, la deuxième signification de la puissance, comme l'explique le shir, c'est Izzatul Imtina', c'est-à-dire la puissance d'inaccessibilité. Et enfin, la troisième et dernière signification de la puissance que le shir cite ici, c'est Izzatul Qahar, c'est-à-dire la puissance de domination. Dans le passage en question de la traduction des éditions Ibn Badis, l'erreur, en fait, elle est d'avoir rattaché les noms El-Qawi, le fort, et El-Matin, le robuste, de les avoir rattachés à Izzatul Imtina', à la puissance d'inaccessibilité, qu'ils ont d'ailleurs traduit par la puissance de l'inébranlabilité, bien qu'à mon humble avis, la traduction correcte est de le traduire par la puissance d'inaccessibilité, mais là n'est pas la question. Hein? La question et le point important qu'il me semblait obligatoire de soulever, c'est donc d'avoir rattaché les deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qawi et Al-Matin, à cette puissance d'inaccessibilité, la deuxième. Ils ont sûrement pensé que les paroles du Sheikh citées précédemment, qui sont « وَيَرْجِعُ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى الْقَوِيُ الْمَتِينَ » et sa parole « وَعِزَّةُ الْإِمْتِنَاعِ عَنْ مُغَالَبَةِ أَحَدْ » ils ont sûrement pensé que ces deux phrases formaient une seule et même phrase, et que par conséquent, les noms « Al-Qawi » et « Al-Matin » revenaient non seulement à la puissance de force, mais également à la puissance d'inaccessibilité. En réalité, nous avons ici deux phrases distinctes. Ce sont deux phrases distinctes. La première, c'est la parole du shir lorsqu'il dit « وَيَرْزِعُ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى الْقَوِيُ الْمَتِينَ » c'est-à-dire les noms, le fort et le robuste, reviennent à ce sens de la puissance, c'est-à-dire la puissance de force qu'il a citée juste avant. La puissance de force, Izzatul Quwwa, la première. Donc, la première phrase, hein, les noms, le fort et le robuste, reviennent à ce sens de la puissance. Le shir vise ici donc que ces deux noms reviennent à la puissance de force qu'il a citée juste avant. Ça, c'est la première phrase. Ensuite, la deuxième phrase, c'est lorsque le shir dit « وَعِزَّةُ الْإِمْتِنَاعِ عَنْ مُغَالَبَةِ أَحَدْ » c'est-à-dire la puissance d'inaccessibilité qui signifie que nul ne peut le vaincre. Sous-entendu, hein, ce que le shir veut dire ici, c'est que le deuxième sens de la puissance d'Allah, est la puissance d'inaccessibilité qui signifie que nul ne peut le vaincre. Donc, cette deuxième phrase, en réalité, c'est une nouvelle phrase dans laquelle le Shir nous cite la deuxième signification de la puissance d'Allah, le deuxième sens de la puissance d'Allah, qui est la puissance d'inaccessibilité. Et il va expliquer que cette puissance, hein, que ce sens de la puissance, pardon, il va nous expliquer que le sens de cette puissance, c'est que nul ne peut vaincre Allah, ni lui porter atteinte, ni parvenir à lui faire du bien ou du mal, et qu'elle signifie également qu'Allah est exempt de tout ce qui ne convient pas à sa grandeur et à sa majesté, comme défaut et imperfection. Puis après cela, en dernier lieu, le Shir donc va évoquer le troisième sens, hein, la troisième signification de la puissance d'Allah, qui est la puissance de domination, Izzatul Qahar. Et le Shir donc va expliquer que cette dernière signification, ce dernier sens, qui est donc la puissance de domination, ce dernier sens de la puissance, il signifie qu'Allah est le maître incontesté de l'univers, qu'il en gère toutes choses dans les moindres détails et que toutes les créatures sont soumises à son décret, bon gré, mal gré. Donc, comme je disais, l'erreur qui a été commise par les éditions Ibn Badis, c'est d'avoir rattaché les noms El-Qawi et El-Matin à la puissance d'inaccessibilité, en pensant donc que les deux phrases ne formaient qu'une. Et c'est pour cela que lorsqu'ils l'ont traduit, ils ont dit les attributs, le fort, l'inébranlable, ont aussi le même sens, c'est-à-dire la puissance de la force, mais portent sur la puissance de l'inébranlabilité. De ce fait, nul ne peut le vaincre, etc. Donc ça, c'est ce qu'ils ont dit, mais comme je l'ai expliqué dans ce chapitre, le Shir a rattaché ces deux noms, El-Qawi, le fort, et El-Matin, le robuste. Il ne les a rattachés qu'à la puissance de force, Izzatul Quwwa, la première. Pour finir, après avoir bien réfléchi et effectué de nombreuses recherches, la traduction que je propose pour ce passage du livre serait la suivante. El-Aziz, le Tout-Puissant, est celui qui possède la puissance dans tous les sens du terme. Puis le Shir donc cite le verset Inna al-izzata lillahi jami'an. La puissance tout entière appartient à Allah. Puis le Shir explique Il est El-Aziz, le Tout-Puissant, tout d'abord en raison de la plénitude de sa force. Tout d'abord en raison de la plénitude de sa force. Ceci est la puissance de force. Et c'est à ce sens de la puissance que reviennent les noms El-Qawi, le fort, et El-Matin, le robuste. Point. Le deuxième sens de la puissance d'Allah est la puissance d'inaccessibilité, qui signifie que nul ne peut le vaincre, ni lui porter atteinte, ni parvenir à lui faire du bien ou du mal. Elle signifie également qu'Allah est exempt et au-dessus de tout ce qui ne convient pas à sa grandeur et à sa majesté, comme défaut ou imperfection, ainsi que de tout ce qui est contraire à sa perfection. C'est à ce dernier sens que revient le nom El-Mutakabbir, l'orgueilleux, bien qu'il indique aussi la totalité et le summum de la grandeur, en plus du sens précité, qui est le fait qu'il soit au-dessus et exempt de tout ce qui ne convient pas à sa grandeur, sa gloire et sa majesté. Le troisième sens de la puissance est la puissance de domination, à laquelle indique le nom El-Qahhar, le dominateur suprême, celui qui a assujetti toutes les créatures par son pouvoir et auquel se sont soumises toutes les choses existantes. Puis, donc, le chir continue. Et c'est ici que je me suis arrêté dans la traduction de ce passage. J'ai voulu traduire également donc, le troisième sens de la puissance et l'explication que le chir en a donnée, le début de son explication, afin que mon explication sur l'erreur qui a été commise et le fait que le chir a cité donc trois formes de puissance ou trois sens à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que donc vous ayez ceci devant les yeux. Wallahu ta'ala a'lam. Voilà ce sur quoi j'ai voulu mettre l'accent, sans aucune prétention de supériorité, mais uniquement par souci pour la communauté qu'elle tombe dans une erreur. Donc, ceci est le premier point que je voulais aborder dans ce cours et cet éclaircissement. Le deuxième point, nous allons revenir maintenant aux questions qui ont été posées suite au dernier cours. Les questions qui ont été posées suite au dernier cours, hein, les questions qui portaient sur les cours 6 à 8. La question que je vais aborder, ou le point que je vais aborder, premièrement, concerne la question numéro 6. Concerne la question numéro 6, qui était la suivante. Le Cheikh Abdurrahman El-Saadi explique que le nom d'Allah El-Jabbar inclut plusieurs choses, parmi lesquelles, ou plutôt parmi lesquelles, puis j'ai cité donc trois choix. Qu'Allah est dur envers les criminels, qu'Allah apaise les cœurs brisés, qu'Allah est inébranlable. Donc, une de ces trois réponses était la réponse exacte à cette question. Donc, beaucoup se sont trompés en cochant la troisième réponse, qui est qu'Allah est inébranlable. Donc, ils ont pensé que ce que le Cheikh Abdurrahman El-Saadi nous dit, c'est que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala El-Jabbar inclut qu'Allah est inébranlable. Et ce qui a... ce qui a dû les induire en erreur, c'est la parole du cheikh lorsqu'il dit Wal-izzatu bima'na al-qahri hiya ahadu ma'ani al-jabbar. Hiya ahadu ma'ani al-jabbar. C'est-à-dire que le cheikh il dit et la puissance dans le sens de domination est un des sens de El-Jabbar. Est un des sens d'El-Jabbar. Donc, ils ont pensé que la puissance de domination était ou correspondait à l'inébranlabilité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que donc, ça faisait partie que c'était un des sens auquel revenait le nom d'Allah El-Jabbar. El-Jabbar, si vous vous souvenez, lors du cours, j'avais précisé que je ne préfère pas le traduire, mais plutôt le définir, en donner une explication, car je n'ai pas trouvé de mot en français pouvant incluer tous les sens que ce nom en a inclus en arabe. Et j'avais dit donc que El-Jabbar, si on pouvait le définir et l'expliquer, signifie celui qui impose et apaise. Celui qui impose d'un côté et qui apaise d'un autre côté, dans un autre sens du nom El-Jabbar. Donc El-Jabbar signifie celui qui impose et celui qui apaise. Et le shir nous dit donc que un des sens de Jabbar, c'est revient au sens de la puissance de domination. Rizatul Qahar, qui est la troisième puissance que le shir a citée. Or, le mot inébranlable signifie, lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est inébranlable, cela signifie qu'on ne peut pas le déstabiliser ni l'atteindre. Qu'on ne peut pas le déstabiliser ni l'atteindre. Et ceci se rapproche et revient au deuxième sens de la puissance, qui est Izzatul Imtina, la puissance d'inaccessibilité. Comme le shir l'avait expliqué, comme vous le voyez dans l'écrit également, que le shir, lorsqu'il explique donc cette puissance d'inaccessibilité, il dit qui signifie que nul ne peut le vaincre, ni lui porter atteinte, ni parvenir à lui faire du bien ou du mal. Parmi les sens ou parmi l'explication de la puissance d'inaccessibilité. Donc, le fait de dire qu'Allah est inébranlable se rapproche plus du deuxième sens de la puissance, qui est la puissance d'inaccessibilité, plutôt que du troisième sens, qui est la puissance de domination. Et le shir, comme je vous l'ai cité au début, le shir, Abdurrahman al-Sa'di, dit, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit que El-Jabbar, il revient parmi ses sens. Un de ces sens revient à la puissance de domination et non pas à la puissance d'inaccessibilité. Et donc de là, vous comprenez pourquoi la bonne réponse était la deuxième réponse qui est qu'Allah apaise les cœurs brisés, comme le shir le dit dans la suite de son explication, lorsque le shir nous dit « Wa min ma'ani al-jabbar » معنى يرجع إلى لطف الرحمة والرأفة وهو الذي يجبر الكثير يجبر الكثير. Ce que j'avais traduit aussi parmi les sens du nom El-Jabbar, il y a un sens qui revient à la douceur de la miséricorde d'Allah et à sa clémence. Et ce sens, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise les cœurs brisés. Qu'Allah apaise les cœurs brisés. Donc, la bonne réponse était la deuxième, non pas la troisième. J'ai encore trois autres points à aborder. Cependant, aujourd'hui, nous allons nous contenter d'un troisième point et laisser les deux autres pour le cours de mercredi, inshallah ta'ala. Donc, le troisième point que je voulais aborder dans cette explication, c'est concernant donc la réponse à la question numéro 4. La question numéro 4 qui était la suivante. La foi au destin inclut de croire à quatre choses. La foi au destin inclut de croire à quatre choses. Qu'Allah a su tout ce qui allait arriver, qu'il l'a écrit, qu'il l'a voulu, et donc là j'ai laissé le choix, donc j'ai donné trois possibilités. La première, qu'il l'a créé, c'est-à-dire il a su tout ce qui allait arriver, il l'a écrit, il l'a voulu et il l'a créé. Ou alors, la deuxième possibilité était qu'il récompense celui qui l'accepte. C'est-à-dire que la foi au destin inclut de croire à quatre choses, qu'Allah a su tout ce qui allait arriver, qu'il l'a écrit, qu'il l'a voulu et qu'il récompense celui qui l'accepte. C'est-à-dire que la quatrième chose qu'inclut la foi au destin serait, selon cette réponse, hein, la quatrième chose qu'inclut la foi au destin serait de croire qu'Allah récompense celui qui accepte le destin. Et la troisième réponse, troisième possibilité, était qu'il nous a donné le libre arbitre dans nos actes. Que la quatrième des choses qu'inclut la foi au destin serait de croire qu'il nous a donné le libre arbitre dans nos actes. Donc, en explication à cette question et à la bonne réponse, je dis, il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense celui qui accepte le destin, bon et mauvais, comme ceci est dit dans la deuxième possibilité. Et il n'y a pas de doute également qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le libre arbitre dans nos actes, comme ceci est dit dans la troisième possibilité, la troisième réponse. Mais ces deux choses, le fait qu'Allah récompense celui qui l'accepte, celui qui accepte le destin, et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le libre arbitre dans nos actes, ces deux choses, bien qu'elles soient vraies en soi, n'était pas la bonne réponse à la question. Car les choses qu'incluent, les quatre choses qu'inclut la foi au destin ont été définies par les savants selon les textes, conformément à ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunna authentique. Et ils ont établi et déterminé par rapport donc au texte du Coran et de la Sunna authentique que la foi au destin inclut de croire donc à quatre choses. La première, donc, ce qu'on appelle al-ilm, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a su tout ce qui allait arriver. La science d'Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qui allait arriver. Ça, c'est la première des choses qu'inclut la foi au destin. De croire à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a su tout ce qui allait arriver. La deuxième des choses qu'inclut la foi au destin, c'est qu'il a écrit tout ce qui allait arriver. L'écriture d'Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qui allait arriver. C'est le deuxième point, la deuxième chose qu'inclut la foi au destin. De croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit tout ce qui allait arriver. La troisième chose qu'inclut la foi au destin, c'est l'irada, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu tout ce qui allait arriver. Car rien ne peut se passer dans les cieux et sur la terre à l'encontre de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce qui arrive dans les cieux et sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a su premièrement tout ce qui allait arriver, deuxièmement il l'a écrit, troisièmement il l'a voulu, et quatrièmement, qui est la bonne réponse, il l'a créé. Il l'a créé, il a créé tout ce qui allait arriver, c'est-à-dire qu'il l'a fait exister, il a fait que ces choses arrivent. Tout ce qu'il a su, puis qu'il a écrit et qu'il a voulu, il l'a fait arriver. Il l'a créé. Et dans le cours prochain, inshallah ta'ala, je viendrai détailler cela, le fait donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout ce qui allait arriver. Donc la bonne réponse à cette question, la question numéro 4, était la première. Donc je vais détailler Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout ce qui allait arriver et expliqué par là en même temps la réponse à dans une autre question que j'avais posée la dernière fois. En quoi donc il y a des erreurs qui ont été commises? Car certains ont pensé qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait juste créé les créatures et que c'était les créatures elles-mêmes qui créaient leurs propres actes. Et d'autres ont cru et ont répondu que Allah subhanahu wa ta'ala avait créé les créatures et le bien qu'elles font, mais que c'était les créatures qui créaient le mal. Alors que la bonne réponse était la première, qui est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures et a créé leurs actes, tous leurs actes, bons et mauvais. Et donc, j'expliquerai tout cela, inshallah ta'ala, dans le prochain cours. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la science bénéfique et de nous faciliter l'accomplissement des œuvres vertueuses. Tout comme je lui demande de nous pardonner nos erreurs ainsi que nos péchés et de nous guider à la rectitude dans nos paroles comme dans nos actes. Aussi, je l'implore de nous aider à nous améliorer et à nous rapprocher de lui par son évocation, son remerciement et son adoration en lui vouant un culte exclusif, sincère et conforme à la sunna de son messager, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que se termine le cours d'aujourd'hui. Walhamdulillahi rabbil alameen.